Notre putain de passe-temps n'est pas de crier. Notre putain de métier est de nettoyer. Ouais gros. On bosse 24 sur 24. Un coup de fil, on débarque. On est sur l'île du Sucre. On pose le contrat et on attaque. Le macaque, ce sera pire que les keufs et leur coup de matraque. Putain 2, 3, 4 et je serai sauvage comme 4. J'attaque sans cas, cool. Me bute en pleine foule. Puis je me fais la malle avant que tes potes les condés déboulent. C'est la panique. Pourtant on est venu en petite équipe. Postiche ironique. Dans la poche, l'automatique. À leur chic, tout le monde se demande. On est hic. On est hic, ceux qui les niquent. On les nique. Ouais, on les nique. Pas d'otage, que du nettoyage. On prend le virage. Coup d'embrayage. Coup de pare-choc. Dommage si tu trouves devant. Avec la mort, il y aura mariage. Ni femme ni enfant. Pour le reste, un putain de carnage. Trop de paiement. En plus, je le dis gentiment. Que du liquide. En petite coupure, c'est pas bien méchant. En plus de ça, le boulot a été fait proprement. Mission accomplie, l'ami. Fais-nous voir l'argent. Faut que ce soit légal. Ou en moins de deux, on va te mettre à poil. Une KAP radical, style qui fait mal. Manu K, 1-1-3. Du nettoyage. Cette année, j'ai pas eu de vacances. J'ai bossé avec élégance. J'ai dû nettoyer toute la France d'MC en abondance. Parti sans pépette, juste mon survêt. J'y ai lunettes, imagine Sarajevo sur toute la planète. Mallette en main, en cas de pépin. J'y vais, j'y reviens. Hier, demain, j'ai ça, cousin. C'est bien. J'aime pas au mic, j'suis juste posé. S'agit pas de faire le macaque, mais juste causer. Faire péter l'audimat, c'est une nausée. A chaque passage du 113, la rime, on se doit de l'inventer. Malheureusement, trop d'MC veulent planer. Certains sont nouveaux, et d'autres commencent à faner. C'est du nettoyage, quadrillage, pour un sabotage. En visage, abattage, au maille braquage. On fait du nettoyage, ni femme ni enfant. Pour le reste, un putain de carnage. C'est du nettoyage, quadrillage, pour un sabotage. En visage, abattage, au maille braquage. On fait du nettoyage, ni femme ni enfant. Pour le reste, un putain de carnage. Encore un petit coup. Mal, c'est normal. Quand les têtes cramées s'installent, on fait mal. M'animal. Et sur les nids, je m'acharne. Compris. Souviens-toi, à 30 millions, j'en suis. Bien compris. Ou sinon, ta vieille tête est mise à prix. Avec nos frères en guise d'assistance. Vous connaissez nos références. On massacre après la danse. Des loups, on creuse des trous. La nuit, notre équipe fait flipper les loups-garous. À force d'avoir la cote. J'y avais pédave un coup et je repars au charbon. Rêve d'enfantillage, j'ai mon nettoyage dans le jargon. Viens à la maison, blessure sans guérison. Séjour au bled, pas de prison. C'est pas le rêve, mais bon, je me ferai une raison. Affaire classée, dans le camp adverse, un mec a morflé. Un gars qui a dû trop parler. Alors on l'a terminé, exécuté, vite fait, bien fait. On est désolé, sur ce je me casse. C'est le mic, faut qu'on le froisse. Dernière mission pour ma carrière, je dois finir en légendaire. Mais cette fois y'a un problème, faut balayer la terre entière. Mais à lui, je multiplie les troupes, un vrai scoop ghetto. Manuel 113 gros, c'est du travail de pro. Cérémonie de qualité. Ouais gros, mec de cité. De la criminalité. Ouais gros, pas de moralité. Et dégage au micro, une putain de rage. C'était du nettoyage. C'est du nettoyage. Quadrillage, pour un sabotage. En visage, abattage, au maille braquage. On fait du nettoyage, ni femme ni enfant. Pour le reste, un putain de carnage. C'est du nettoyage. Quadrillage, pour un sabotage. En visage, abattage, au maille braquage. On fait du nettoyage, ni femme ni enfant. Pour le reste, un putain de carnage. On fait du nettoyage. Ce putain d'immeuble là, y'a même pas d'interphone, y'a pas de lumière, le mec qui se couche tard, on se levait tard. Yeah.